mwasi alalaki lokola alamuki azali kozongisa nyama na nyama na kati na ye. Jésus-Christ, il est secret de ma victoire. Jésus-Christ, c'est ma victoire. Jésus-Christ est le secret de mon succès. Jésus-Christ, c'est mon secret. Jésus de Nazareth, Jésus le Fils de Dieu, aujourd'hui tu m'as couronné de ta gloire. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ, le secret de ma délivrance. Jésus-Christ, le secret de ma guérison. Jésus-Christ, c'est ma guérison. Jésus de Nazareth, Jésus de Shiloh, aujourd'hui tu m'as couronné de ta gloire. Alléluia, alléluia. Incomparable, insondable, incontournable. bonigana, oba mokili baye babuzali baye.